Chapitre 13. Une agression aérienne. L'ingénieur leva les yeux dans la direction indiquée par son ami et vit à quelque distance, de l'autre côté du chemin de fer, un autre aéroplane qui semblait venir vers eux avec une grande rapidité. Sur le moment, il ne s'en étonna pas. Il pensa que l'aviation américaine avait délégué un des siens pour saluer dans leur élément les triomphateurs de l'air. Cette pensée était naturelle dans un pareil moment. Aussi, au lieu de couper l'allumage, il augmenta un peu sa vitesse et évolua pour aller à la rencontre de ce confrère aérien, comme disait sans patience. Mais en progressant, il fut frappé de l'allure anormale de l'appareil qui venait à leur rencontre. Il y avait dans les formes de cet appareil quelque chose qui le déconcertait un peu. On ne pouvait dire que ces formes étaient tout à fait nouvelles. C'était un monoplan qui ressemblait assez, d'une manière générale, au type français Blériot. En y regardant mieux, l'ingénieur finit par se rendre compte que ce qui donnait à ce monoplan un aspect inaccoutumé, c'était d'abord que, comme les leurs, ses ailes semblaient métalliques. Mais c'était surtout un dispositif bizarre placé en avant de l'hélice et composé de deux tiges rigides, à l'extrémité desquelles était fixée, dans le sens vertical mais obliquement, une sorte de grande et large lame de métal. Et l'ingénieur entendit sans patience faire cette remarque « Ma parole en dirait un éperon ». Fût-ce l'association d'idées provoquée par ce mot « éperon » ou l'allure étrange du monoplan inconnu, qui, sans diminuer sa vitesse, semblait littéralement vouloir foncer sur eux, explique qui pourra cette prescience soudaine qui, au moment du danger, et même avant que le danger soit déclaré, éclaire parfois l'homme sur le péril qui le menace. Toujours est-il que dans un éclair, l'ingénieur eut l'intuition de la plus extraordinaire et de la plus sauvage des agressions. Et instantanément, il eut la conviction que l'intention de ceux qui montaient cet appareil était de les aborder et de les détruire, et que cette agression était préparée, préméditée, voulue. Sans se rendre compte encore des motifs de ce guet-apens, l'ingénieur estima le danger formidable. Il était trop tard pour rétrograder et fuir. Du reste, instinctivement, la fuite lui répugnait. Il n'éprouvait aucune crainte, mais seulement une sourde colère. Il fit donc la seule chose qui pouvait se faire en cette seconde, au moment où le mystérieux appareil n'était plus qu'à 100 mètres, arrivant sur le flanc comme la foudre, il se fit cambrer son aéroplane après avoir donné au moteur toute sa vitesse. Et quand l'autre passa, ce fut à 15 mètres sous lui, ce qui permet aux deux Français de constater qu'il y avait deux hommes à son bord. « Non mais !» s'écria sans patience, stupéfait. « Qu'est-ce qui lui prend au confrère ?» En bas, les acclamations avaient cessé. On avait vu l'inconcevable manœuvre de l'aéroplane inconnu, la parade du Français, et tout à coup, un silence impressionnant s'était abattu sur cette foule immense qui avait eu, elle aussi, la soudaine intuition du drame extraordinaire qui allait se dérouler au-dessus de sa tête. « Il y a, » répondit l'ingénieur avec sang-froid, « il y a que le confrère veut tout simplement nous démolir. Je l'ai deviné à temps, heureusement. Une seconde de plus, et il eût été trop tard. » On eût pu croire que, sans patience, se montrerait émotionné ou tout au moins étonné, il n'en fut rien. « Je me disais aussi, » fit-il tranquillement, « que notre aventure ne pouvait finir si simplement que cela. Des jaloux, probablement, ou des ribauds. « Allons-y donc pour une bataille aérienne. Elle manquait à notre gloire, comme l'infortune à celle de Napoléon. » Malgré la gravité de la situation, l'ingénieur ne put s'empêcher de sourire à cette boutade. « Alors ?» interrogea sans patience. « Alors je monte, comme vous voyez. Il faut éviter à tout prix que l'autre nous domine. J'espère que nous n'allons pas fuir devant lui. Ça non !» répondit l'ingénieur avec un singulier accent de résolution. J'ignore les motifs qui font agir ces forbans, j'ignore même qui ils sont. Mais ils nous ont attaqués traîtreusement. Quoi qu'il puisse advenir, je veux leur rendre la monnaie de leur pièce. À la bonne heure, déclara sans patience, qui en son âme de Lorrain, sentit se réveiller son amour pour les plaies et les bosses. Et puis ajouta-t-il, songeons que nous représentons la France et que l'Amérique nous regarde. Mais le moment ne se prêtait pas à de longues explications. Les deux amis étaient sûrs de leur commune résolution. Cela suffisait. D'instinct, sans patience, laissa l'ingénieur la responsabilité de la manœuvre et renonça, le conseiller, confiant en son sang-froid dont il avait déjà eu tant de preuves. « Il faut voir les choses comme elles sont, » dit l'ingénieur, tout en gagnant de la hauteur. « Ces forbans ont une immense supériorité sur nous, grâce à leur éperon qui leur permet de nous aborder sans dommage pour leurs propulseurs. Si au contraire, nous tentions de les aborder nous-mêmes, nous fracasserions notre hélice en plein vol, et ce serait pour nous la culbute presque inévitable. Alors, laissez-moi faire. Je vais tâcher de les culbuter en passant simplement au-dessus d'eux, à la plus courte distance possible. Tiens, j'ignorais ce détail. Il suffit de passer au-dessus d'un confrère pour que celui-ci dégringole. Oui, à condition, je le répète, que ce soit à très courte distance. C'est une affaire de coup d'œil. Je vous expliquerai cela plus tard. Mais je dois vous prévenir que si, au lieu de passer au-dessus, nous entrons dedans, il y aura de grandes chances pour que la culbute soit collective. Bon, la Providence ne nous a pas fait échapper au péril de l'océan pour permettre que nous soyons oxydés par ces bandits anonymes. Et puis, nous avons le bon droit pour nous. D'ailleurs, quant à moi, je suis décidé à tout, sauf à la fuite. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles, leur aéroplane, montant toujours, avait progressé dans l'ouest, vers Newark. L'indicateur d'altitude marquait 920 mètres. L'autre, après sa première tentative, avait décrit une courbe et, gagnant lui aussi de la hauteur, s'était mis à leur poursuite. L'ingénieur cessa de monter, ralentit, vira, puis redonna toute la vitesse. Les deux appareils semblaient aller ainsi à la rencontre l'un de l'autre. Le Français se tenant à la hauteur qu'il avait atteinte, l'autre montant encore, 600 mètres environ, les séparait. L'aéroplane agresseur cesse alors de monter et fit un virage à droite, dans l'intention évidente d'aborder son adversaire par le flanc. L'ingénieur vira immédiatement à gauche afin de lui présenter son avant et sans ralentir, jugeant à l'estime que son altitude devait être légèrement supérieure à celle de son agresseur, il se précipita sur lui comme la foudre. Ce fut l'affaire de quelques secondes. L'ingénieur s'était-il trompé dans son estimation de l'altitude? L'autre appareil s'était-il un peu élevé? Toujours est-il qu'en arrivant sur son adversaire, l'ingénieur eut l'intuition soudaine que tous deux se trouvaient à la même hauteur et qu'une collision était inévitable. Il essaya de faire se cabrer son appareil, mais 50 mètres à peine, qu'il mit une seconde pour franchir, les séparait du monoplan mystérieux. Il était donc trop tard, et comme un bolide, l'aéroplane français aborda l'autre un peu obliquement par l'avant, entre le fuselage et une des tiges de l'éperon. Malheureusement, et comme l'avait prévu l'ingénieur, ce fut l'hélice qui porta la première, et dans le formidable choc qui suivit, le propulseur vola en éclats. Mais arrêté en plein vol, l'aéroplane à éperon, instantanément, se retourna et culbuta. Que se passa-t-il ensuite? Nos amis n'en surent jamais rien. Instinctivement, l'ingénieur avait coupé l'allumage et préparé la descente en vol plané. En voulant faire piquer du nez son appareil, il sentait que celui-ci n'obéissait plus qu'imparfaitement à la commande. Il eut pourtant la sensation que leur descente, tout au moins au début, et quoique d'une anormale rapidité, n'était pas une chute. Puis, à 200 mètres de terre, l'aéroplane se mit à glisser obliquement sur les couches d'air avec une rapidité toujours croissante, un remous le saisit à 50 mètres, et il se retourna complètement, tombant comme une pierre sur la foule terrorisée au milieu des clameurs d'effroi et des cris de douleur.